qui me tend la main. Je sens la fin qui se fait attendre, rien à foutre tant que le snare nous colle aux dents. Prenant les cartes en main, les écrits de George Sand. Dès lors que je sens que j'avance très peu, mais je remercie la base qui me fait vibrer depuis petit peu. On est tous aussi vicieux pour se faire du mal au temps. Je suis pas censé vivre vieux, vu le moral à 20 ans. Plus corps vocal, j'ai fumé le paquet 30. C'est pas rentable si tu me fréquentes. Ici on chante autour de la table. Sans semaine quand les murs tremblent, la place remplie, l'ego s'installe. L'ego s'installe, je connais mes failles. J'écris par souci du détail. Le tympan, j'allume celui de la veille. Le saint graal, c'est quand je m'écroule dans mon sommeil. Pas de sommier dans mon domaine. J'aime barauder la nuit. Soir à l'ancienne dans l'écouteur, pareil que je suis fouteur de merde. On s'est tout feu, je suis un de ces fumeurs de verte. Les portes se ferment, mais je suis conscient que rien ne s'arrête. Qu'on recommence sans cesse, mettant l'art et la manière. La musique nous fait du mal et nos sentiments battent de l'aile. Dans cette phrase, dites-nous qu'il n'y a pas le verbe. Aimer, on peut s'en passer dans tous nos états. Fausse note, ceux qui nous dirigent ont peur de l'espoir. On se passe des culs de pétard, des culs des gobelets devant des tailles des jacks. On rappait déjà sur tous ces samples des jazz. Dans les soirées boom bap, on avait besoin de rien. Deux, trois tocards, collage chez t'emmène. Sans sa street la gare et l'histoire continuait jusqu'au matin. Mais le réveil est brutal, air goûtise dans l'air buccal. Mentalité si là, comme incapable, trouver la syllabe. Chercher du taf, une villa, pas une connasse comme Nabila. Je pourrais l'avoir, le pénis pour, mais pas le portefeuille adéquat. Et allez quoi? Pareil que ça sort par lundi soir, par c'est les pattes la mythe. Dis-moi, t'as de quoi vouloir broyer du noir. À la limite, je pourrais comprendre si tel était ton premier choix. Sois pas en vue de notre style de vie, on n'a pas promis de doctorat. On rêvait de ça, les draps. Quand tu t'acharnais en maths, on rêvait de ça, le rap, ta fonce car qui pouvait durer toute la night. Super Trump, mon art. Je veux parcourir plus de dates. Des deux côtés de la planète, je voyage, je veux pouvoir côtoyer badass. La musique nous fait mal et nos sentiments battent de l'aile. Dans cette phrase, dites-nous qu'il n'y a pas le verbe. Aimer, on peut s'en passer dans tous nos états. Fausse note, ceux qui nous dirigent ont peur de l'espoir. La musique nous fait mal et nos sentiments battent de l'aile. Dans cette phrase, dites-nous qu'il n'y a pas le verbe. Aimer, on peut s'en passer dans tous nos états. Fausse note, ceux qui nous dirigent ont peur de l'espoir. La musique qui m'anime n'est pas vraiment celle de Vivaldi. Mais vu l'ouverture d'esprit qui m'habite, c'est notre appris à lire. Je les récite sur un sample, une basse, une mélodie, un piano. J'apprends à prendre le temps, le maestro Giangiamo. La salle est pleine, la chaleur devient étouffante. Je ne vois plus ma belle, elle n'est pas assez concoute. Devant elle m'a promis que ça irait. J'en ai marre de ses mensonges, je ne vais plus aux répétitions. Je n'en peux plus de ses chansons. Toujours les mêmes rêves, la réalité s'en approche. Le musicien qui danse avec la belle en a cassé les cordes, guitare désaccordée. Dans l'attente de la corde est trémée, la goutte fait déborder le vase. Ce dernier est déjà fêlé, excellé, à quoi ça sert? C'est la passion qui m'anime, une plume à poser sur terre. Et ce qui m'attriste le plus, c'est que les muses usées à l'usure finissent par museler. Croix accrochée à la croche, je n'aboie plus, le chien est muet. La musique nous fait mal et nos sentiments battent de l'aile. Dans cette phrase, dites-nous qu'il n'y a pas le verbe. Aimer, on peut s'en passer dans tous nos états. Fausse note, ceux qui nous dirigent ont peur de l'espoir. La musique nous fait mal et nos sentiments battent de l'aile. Dans cette phrase, dites-nous qu'il n'y a pas le verbe. Aimer, on peut s'en passer dans tous nos états. Fausse note, ceux qui nous dirigent ont peur de l'espoir. Le jour se lève quand la nuit se couche, d'où tu me laisses un arrière-goût de poisse. Toutes moites, mes mains se frottent à la lueur de ces douches froides. Apprendre qui soude pas de ce qui te sert. La route tombe souvent, je croyais. Je voyais pas de riston dans ce qu'on m'octroyait. Musique berce les mœurs, c'est apparemment ses soucières. Routine crève les cœurs, les creurs. Très peu de fois vient t'assez souffler. Demain sera beau et rose, je le promets. Haut et fort, s'efforce d'être honnête, trop se plaindre sans donner forme. Au fond, cette dernière gorge, me fâche. Cassine ce qui tresse sans donner en spectacle. Si chaque matin mes frits autant, c'est qu'on fait le taf. Qu'on s'extase, sur la grosse caisse n'étonne plus. J'ai crié l'effort use, hésitant j'effectue, c'est les corchures. J'ai crié en ma clé de sol, ouvrir les portes n'est pas impossible. Peu à peu mes pas s'atrophient, j'ai trop pris le chemin de la sortie. Fautif c'est vrai, je m'allonge baladeur, collé au tympan, fixant le plafond. De façon, y'a bien longtemps qu'on traîne nos cinq sens. Cinq sens, cinq sens, cinq sens, cinq sens. Je ne prends pas à se méfier de tout.